fou de palmarès. 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Télévisude, le visionnement d'émissions en rafale serait-il un symptôme de dépression moderne? J'apprécie le fait que quelque chose peut être une cause, un symptôme et un remède en même temps. Dans Segment Geek CX, une housse de matelas connectée qui rend votre lit intelligent. Si vous avez toujours voulu dire que vous avez couché avec quelqu'un d'intelligent, ben voilà votre chance. Et dans Merci Science, des chimistes ont réussi à décuire un œuf. Miam! Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence tout de suite! Et voici celui qui va s'acheter une housse de matelas pour se coucher moins niaiseux. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, l'émission La chronique télévisuelle Television, le segment Geek CNX, c'est un fait Tech Edition et la chronique de science, technologie et médecine Merci Science. On va aussi continuer notre série musicale, comme toujours, DKC Mix 894, sur la musique de la série Donkey Kong Country. En passant, oui, je suis de retour. La semaine passée, l'émission a duré moins longtemps que prévu, je pense. Un petit peu moins de prévu. Mais je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Pour commencer, par contre, on va écouter un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et j'ai envie de commencer avec une excellente pièce de Jakim and Wing. À l'instant, voici A Tractor. Pas un tracteur, là, mais quelque chose comme d'attirant. A Tractor. Au 89. Avec Tractor, au Mathieu Plante Show sur le 89 FM. Et on commence l'émission avec un petit peu de télévision. Voici Television. Television. Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de télévision, bien sûr. Commençons au Québec avec la seule nouvelle au Québec. C'est Club Illico qui suit le courant de Netflix. Club Illico a une raison de plus de revendiquer son titre de Netflix québécois. Le service de vidéo sur demande de Vidéotron a inauguré il y a 2 ans, proposera à ses abonnés sa première série originale québécoise en 2016. Et pas la moindre, Blue Moon, série sur le monde des mercenaires, écrite par Luc Dionne, produite par Fabienne Larouche et mettant en vedette Karine Vanasse. De petits noms. Il s'agit d'un retour au sein de l'Empire pour Fabienne Larouche, dont la dernière série à TVA, Un homme mort, remontait à 2006. Comme House of Cards, les 10 épisodes de Blue Moon seront tous disponibles le même jour pour être visionnés en rafale. Avec cette nouveauté, Club Illico considère avoir en main son propre House of Cards. Pour France Lausière, vice-présidente principale au contenu chez QMI, il serait suicidaire de laisser Netflix et les autres s'emparer du marché québécois sans réagir. Il faut occuper l'espace. Avec Bell Media qui a déjà annoncé 3 séries originales exclusives à Super Écran et l'arrivée récente de la plateforme Crave TV, ça ne peut qu'être de bonnes nouvelles pour l'industrie de la fiction au Québec, nous dit cet article que je lis présentement du Soleil. Donc dans Blue Moon, Karine Vanasse jouera Justine Laurier, une démineuse en mission pour l'armée canadienne en Afrique. À la mort de son père, elle hérite de sa firme de sécurité privée au service du gouvernement, ce qui la place constamment en situation de danger. Parmi les personnages qui graviteront autour d'elle, le co-actionnaire de l'entreprise, un ami de la famille que Justine surnomme son oncle. L'auteur Luc Dionne a été frappé de constater lors de l'attentat de Boston la présence de forces militaires privées, alors que les contribuables paient déjà pour un service de police censé pouvoir protéger la population. L'influence de Blackwater, l'agence américaine de sécurité, l'a aussi beaucoup inspiré. Pardon, un sujet qui inépuisable qui fait peur, confie-t-il. L'auteur de Meurtre n'avait pas fait de télévision depuis Bunker, le cirque et le dernier chapitre il y a 13 ans. Vous pouvez lire le reste de l'article sur assemblagerequis.com, tout plein de détails sur Karine Vallas et sur Fabienne Larouche. Maintenant, on passe au Canada au complet. Des couleurs de certains enjeux traités lors de Parlons la télé, une conversation avec les Canadiens. On en parlait assez fréquemment depuis les derniers mois au Mathieu Planchot. Ces décisions touchent les stations de télé locales, la substitution simultanée et les services de télévision mobile. Donc, des décisions prises par le CRTC qui a conclu que plusieurs Canadiens ne souhaitaient pas perdre l'accès à la télé en direct gratuite. Les télédiffuseurs qui fermeront leurs émetteurs en direct perdront donc les privilèges réglementaires associés à la transmission en direct. Ces privilèges incluent la distribution obligatoire sur les forfaits de base offerts par les entreprises de diffusion par câble et par satellite et la possibilité de demander la substitution simultanée. C'est quand deux émissions jouent en même temps aux États-Unis ou au Canada et on empile, on met le signal canadien par-dessus le signal américain. Vous avez déjà vu ça quand vous regardez une chaîne et vous pensez regarder Fox et finalement c'est Global, t'sais. Donc, justement, parlant de substitution simultanée, de nombreuses plaintes avaient été déposées à propos d'erreurs se produisant lors de la substitution simultanée des publicités, faisant manquer certains moments d'événements en direct, par exemple la fin d'un gala ou d'une émission d'American Idol. Le conseil a donc décidé d'interdire la substitution simultanée pendant le Super Bowl dès la fin de la saison 2016 de la Ligue nationale de football, c'est donc le Super Bowl de 2017. Bell Media, détenteur actuel des droits, pourra renoncer à son privilège de substitution simultanée pour la partie de 2016 si Bell le désire. La preuve présentée à l'audience publique de Parlons Télé montrait que les revenus générés par la substitution simultanée sont importants pour le système de télédiffusion. Les stations de télévision locales continueront donc d'être autorisées à demander la SIMSUB, donc substitution simultanée. Le CRTC a finalement examiné certaines pratiques liées à Internet et leur donné à Bell Mobilité et à Vidéotron de cesser d'accorder des avantages à leurs services de télévision mobile Bell Mobile TV et Illico.tv. Ces entreprises ont en effet exempté leurs propres services de télévision mobile de leurs limites standards d'utilisation mensuelle de données. Par contre, le contenu d'autres sites web et applications était pris en compte dans l'utilisation de données du client. Ça, c'est quand vous pouvez regarder la télé gratuitement et que ça comptait pas dans votre 3 gigs de données. Bell Mobilité doit éliminer cette pratique d'ici le 29 avril et Vidéotron doit confirmer que tout nouveau service de télévision mobile qu'il offrira ne comportera aucun avantage ou privilège déloyal sur les services semblables. Plus de détails sur les décisions rendues sont présentés sur le site web du CRTC. L'adresse est nouvelle.gc.ca. Et puis, dans les prochaines semaines, le conseil va publier d'autres décisions liées à Parlons Télé. On va évidemment suivre le dossier parce que c'est ce qu'on fait. Bell Media proposera pour la première fois au Canada la marque Showtime et des centaines d'heures de contenu passé, actuel et futur de la programmation en anglais et en français sur les différentes plateformes de Bell Media, y compris son nouveau service de diffusion vidéo en contenu Crave TV, ainsi que son service de télévision payante The Movie Network. En effet, Bell Media vient de conclure une entente à long terme pour les licences de contenu et les marques de commerce de la chaîne Showtime avec CBS Corporation qui s'inscrit dans le cadre de l'entente précédemment conclue. Crave TV lancera sous peu un nouvel environnement de marque Showtime qui comprendra la collection Showtime, évidemment présentant des centaines d'heures d'émissions comme The Affair, Ray Donovan, Penny Dreadful, Masters of Sex, Nurse Jackie, Brotherhood, Sleeper Cell, Weeds, The Big C, The United States of Terra, ainsi que Penn & Teller Bullshit et d'autres. Évidemment, après une phrase de même. Donc la collection Showtime présentera également l'ensemble des documentaires et spectacles musicaux et humoristiques exclusifs à Showtime qui s'ajouteront à tout le reste pour un total de près de 600 éléments de contenu au moment du lancement. À plus tard en 2015, un blog de programmation de marque Showtime sera lancé sur la chaîne The Movie Network qui accueillera du contenu Showtime et assurera la promotion de la collection Showtime sur Crave TV. Donc toujours pas l'entrée de la chaîne Showtime, mais au moins les émissions un petit peu partout. On a parlé du Super Bowl tantôt dans le bloc sur le CRTC. Le Super Bowl Slix, XLX, hein, est devenu l'émission télévisée la plus regardée de l'histoire des États-Unis. Les statistiques ont été dévoilées par le réseau NBC, diffuseur de la rencontre aux États-Unis. Un total de 114,4 millions de téléspectateurs a visionné la finale pour la suprématie du football américain, remportée au compte de 28-24 pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je savais même pas que les Patriots avaient une équipe de football. Au dépend des Seahawks de Seattle. C'est d'ailleurs la quatrième fois en 5 ans que le match ultime de la NFL établit un record. L'an dernier, la victoire des Seahawks face aux Broncos de Denver avait été écoutée 111,5 millions de fois, par personne, évidemment. Le nombre de gens qui regardent sur une même télé pourrait facilement doubler ou tripler ce chiffre-là. Le match est également à l'origine de nouvelles marques quant à la diffusion des messages sur les réseaux sociaux. La plateforme Twitter estime à 28,4 millions le nombre de publications entre le botté d'envoi et la demi-heure suivant la fin du match. On est toujours aux États-Unis où CBS parie sur une adaptation de Sans Limite. CBS parie sur une adaptation de Sans Limite pour sa rentrée 2015, mais la série se présentera comme une suite du film de Neil Burger sorti en 2011. Le réalisateur et la star du thriller, Bradley Cooper, s'impliqueront dans son développement aux côtés des dirigeants de la chaîne américaine. En chantier depuis plus d'un an, la version petit écran de Sans Limite se concrétise enfin par d'un pilote. Pour l'intégrer dans sa grille des programmes 2015-2016, CBS met toutes les chances de son côté. Bradley Cooper va produire le projet, aidé par Alex Kurtzman et Roberto Orci, artisans de Sleepy Hollow, Hawaii Favo et de la nouveauté Scorpion. La série débutera son histoire où s'arrête celle du film. L'héros voit sa vie bouleversée du jour au lendemain grâce à une pilule spéciale, le NZT. Ce produit améliore sensiblement la mémoire, les perceptions et les capacités de raisonnement, les qualités que le FBI aimerait bien tirer profit. Voilà. Il faudrait que je prenne une pièce de musique entre chacune de mes nouvelles aujourd'hui. ABC commande le pilote du producteur de Grey's Anatomy. Flesh and Blood, oui, le réseau américain, oui, qui a commandé un pilote pour un drame criminel du producteur de Grey's Anatomy et de Scandal. Flesh and Blood, Jenna Barnes, va suivre le retour du fils d'un policier dans une petite communauté après avoir passé pour mort après sa disparition 10 ans plus tôt. En même temps, son meurtrier présumé est libéré de prison, ce qui incite la police de rouvrir l'enquête initiale. Jenna Barnes, dont les crédits incluent également le drame médical Private Practice, sera productrice déléguée pour le pilote de ABC Studios avec David Huberman, Todd Lieberman et Laurie Zaks de Mandeville Television. Et il sera diffusé dans le cadre de la saison 2015-16 de ABC. La nouvelle arrive la même semaine qu'ABC a ajouté 5 pilotes à sa liste de drames tels que Runner, une série sur le monde, troupe de commerce des armes à feu internationales basée sur le drame turc The End. Voilà. Affleck et Schoenaerts en expédition pour HBO. Casey Affleck et Matthias Schoenaerts se donneront la réplique dans Lewis and Clark, une mini-série historique, que HBO tournera cet été. Pas la même chose historique que humoristique. La fiction retracera la première expédition vers l'ouest des États-Unis au début du 19e siècle. En 1804, sous l'impulsion du président américain Thomas Jefferson, une expédition s'est organisée pour traverser le pays d'est en ouest. Menée par Meriwether Lewis et William Clark, la marche est partie au printemps de l'Illinois et s'est terminée pendant l'hiver 1805 dans l'Oregon, sur la côte pacifique. Le retour de l'est a été organisé de mars à septembre 1806. Pour l'adaptation de HBO, Casey Affleck incarnera Meriwether Lewis, explorateur et ancien capitaine de l'armée américaine, qui a été le secrétaire particulier de Thomas Jefferson en 1801. Le jeune frère de Ben Affleck sera rejoint par Matthias Schoenaerts dans la peau de William Clark. L'acteur belge César du meilleur espoir masculin en 2013 pour De Rouille et Dos se retourne à nouveau vers les États-Unis pour étendre sa carrière internationale. Lewis and Clark s'inspira du Undaunted Courage, le livre écrit par Stephen E. Ambrose. Cet historien a déjà collaboré avec HBO pour Frères d'Armes, Brothers in Arms, je crois. Une série historique sur la Deuxième Guerre mondiale basée sur l'un de ses écrits. Hein? Brothers in Arms, je pense que c'est ça le titre. En tout cas. Jaden Smith dans une comédie de HBO maintenant. Jaden Smith qui jouera dans une comédie. Le fils de Will Smith et de Jada Pinkett Smith participera au pilote de Brothers in Atlanta, une série en chantier sur HBO. Le jeune acteur ne sera pas la star de cette comédie centrée sur deux amis de longue date évoluant à Atlanta. Ancien scénariste de l'émission Late Night with Jimmy Fallon, D'Lo Riddle et Bashir Shaloudin seront les acteurs principaux. et scénariste de cette série. Ils incarneront Langston et Moose, deux amis artistes qui sont en train de percer. Le premier, un DJ, doit relancer sa carrière au point mort. Le deuxième chanteur devra se familiariser avec sa nouvelle vie. À 16 ans, Jaden Smith interprétera le voisin de Langston, l'adolescent turbulent. Il y a aussi Maya Rudolph, qu'on connaît pour Bridesmaids, qui va participer au pilote dans la peau de Shirley, une ancienne diva du R&B des années 1990, qui est devenue le patron de Moose. Oprah, dans une série de la réalisatrice de Selma. Oprah Winfrey défendra un rôle dans une série conçue par la réalisatrice de Selma. Oprah Winfrey et Ava DuVernay se retrouvent pour le développement d'une série télévisée destinée à OWN. Ça, c'est la chaîne Oprah Winfrey Network. Donc, elle va jouer dans sa série sur sa propre chaîne. C'est la chaîne vedette. L'histoire, c'est Band of Brothers, le nom de tantôt Brothers in Arby. Band of Brothers. L'histoire se base sur celle de Queen Sugar, roman de Nathalie Basile, paru en 2014. La série suit Charlie, une femme de Los Angeles à la vie luxueuse qui décide de reprendre l'exploitation de canne à sucre que son père lui laisse en héritage. Avec sa fille de 11 ans, elle troque sa vie de citadine pour s'installer en Louisiane au cœur de ses racines. Oprah Winfrey participe à la production de la fiction, dans laquelle elle tient également un rôle récurrent. Ava DuVernay assure de son côté l'écriture et la réalisation. Les deux femmes ont récemment collaboré pour Selma, film centré sur Martin Luther King, qui sera... pardon. Voilà, donc Martin Luther King. Voilà. Bon, on va prendre une petite pause musicale puis continuer tantôt avec plus de Television Television. Pour l'instant, on écoute Léo Mwaki. Voici Who Needs a Spaceship au Mathieu Plante Show. 89 FM. We'll be right back. Two Monkeys, Who Needs a Spaceship pour Mathieu Plancho. On est en plein cœur de Television Television. Retournons-y avec CW qui fait appel à J.J. Abrams pour sa rentrée. Grosse nouvelle, les dirigeants de la chaîne CW font appel à J.J. Abrams pour leur rentrée. Le réalisateur du prochain Star Wars concocte Dead People, une série fantastique conçue avec Tom Capino, le créateur de Californication. La chaîne dédiée au jeune public américain prépare une saison 2015-16 tournée vers le surnaturel et l'horreur, puisque s'ajoute à ce projet une nouvelle version de Tales from the Dark Side. On sait, CW, ils sont connus entre autres pour Supernatural, donc la science-fiction fonctionne bien pour eux. Plus que jamais sollicité par le grand écran, J.J. Abrams conserve toujours un pied dans l'univers télévisé. Pour CW, il produit une série qui met en scène un chauffeur de taxi malchanceux aux tendances alcooliques, mais charmant. Après avoir vu la mort de près, il acquiert la capacité de voir et de parler aux fantômes, dont celui de son ex-femme qu'il n'a jamais pu oublier, oui. Créateur de Californication, comédie avec David Duchovny, bien sûr. Tom Capino s'y signe le scénario de Dead People, premier pilote commandé par CW qui donne le ton pour sa rentrée 2015. Le réseau a eu l'idée de dépoussiérer Tales from the Dark Side, une anthologie d'horreur de George A. Romero, réalisateur spécialiste de l'horreur à l'origine de La Nuit des Morts Vivants. La nouvelle version sera pilotée par Alex Kurtzman et Bob Orchie, fidèles collaborateurs de J.J. Abrams. On a mentionné Bob Orchie dans un précédent article tantôt. La série, dont chaque épisode est indépendant, sera écrite par Joe Hill, le fils de Stephen King. Son père avait d'ailleurs collaboré à quelques reprises avec le programme lors de sa diffusion dans les années 80. Kurtzman, Orchie et Hill se connaissent déjà pour avoir tenté d'adapter au petit écran le roman graphique de ce dernier, Lock and Key. Le pilote n'était pas parvenu à convaincre à l'époque les gens de Fox. Strange Calls maintenant du paranormal. Ben, on passe d'un paranormal à un autre, mais cette fois-ci chez NBC, qui bascule dans le paranormal avec Strange Calls. Aaron Kaplan, ancien producteur de Terra Nova, travaillera sur ce pilote avec l'aide de Blake McCormick, scénariste de Bienvenue à Cougar Town. Le réseau NBC est allé chercher un ancien projet pour enrichir sa grille de rentrée 2015. Initialement développé pour la saison 2012-13, Strange Calls aura pour héros un jeune officier de police affable, muté dans une zone rurale. Il découvre que la nouvelle ville qu'il protège possède une aura surnaturelle. La série paranormale est en réalité l'adaptation d'une série australienne diffusée en 2012 sur ABC2. C'est la deuxième fois que NBC se tourne vers ce pays pour chercher de l'inspiration, parce que le 12 février prochain, le réseau proposera sa version de The Slap, mini-série diffusée en France sous le titre de La Gifle. C'est en fait une traduction littérale, ce qui est surprenant pour les Français. ABC a de son côté déniché Secrets and Lies pour une nouvelle mouture qu'elle diffusera à partir du 1er mars. La version originale a récemment fait son arrivée donc en France, entre autres. Secrets and Lies. La BBC lance un laboratoire en ligne pour tester ses innovations. Ils viennent de lancer BBC Taster, un laboratoire numérique multimédia qui permettra au groupe audiovisuel britannique de tester des nouveaux formats auprès des internautes invités à évaluer ses projets. Et je cite, « Avant de lancer de nouveaux projets, nous souhaitons les tester. Certains pourraient vous plaire et d'autres pas », écrit la BBC sur son site où elle propose des dizaines de projets expérimentaux, tous supports confondus. Ça va permettre à la BBC de prendre des risques avec de nouvelles formes de contenu, de nouveaux talents ou de nouvelles technologies sans l'obligation de proposer un produit fini et bien poli. Parmi ces projets figure un tour du monde interactif où l'internaute peut choisir de suivre un journaliste de la BBC sur un ring de lucha libre, la lutte mexicaine, la boxe, mais en tout cas lutte ou boxe, peu importe, dans un restaurant à Madagascar ou sur un marché indonésien. Autre prototype, une frise que l'on fait défiler verticalement intitulée Your Story et qui apparaît une fois que l'internaute a rentré sa date de naissance. S'appuyant sur des archives de la BBC, cette frise rappelle les grands événements historiques qui ont ponctué la vie de l'internaute selon son âge et ses intérêts. Donc l'idée, c'est d'avoir rapidement, même immédiatement, un retour des internautes sur ces projets. Ça s'appelle BBC Taster, T-A-S-T-E-R, comme goûter là. La série anglaise Black Mirror intéresse Netflix. La série britannique Black Mirror connaîtra prochainement une adaptation aux États-Unis grâce à la chaîne Netflix, a annoncé la branche nord-américaine de la société de production Animal Shine. Lancée en 2011 sur la chaîne anglaise Channel 4, Black Mirror se présente comme un mélange de science-fiction, d'horreur et de thriller. Sa particularité repose sur l'indépendance de ses épisodes qui ont pourtant tous comme point commun la dépendance des hommes aux nouvelles technologies. Lauréat d'un International Emmy Award en 2012 dans la catégorie mini-série, l'œuvre dramatique compte à ce jour 2 saisons de 3 épisodes. Un épisode spécial Noël a été dévoilé en décembre dernier au public anglais. Le binge-watching, vous connaissez sûrement le nom binge-watching, c'est quand on regarde des séries en rafale, pratique assez courante, serait un symptôme de dépression à en croire une étude américaine. Si vous êtes du genre à visionner d'une traite toute une saison de Game of Thrones, vous avez peut-être... si vous avez posé des congés le jour de la sortie de la saison 3 de Orange is the New Black sur Netflix, ou si vous comptez regarder tout Breaking Bad durant vos prochaines vacances, alors vous êtes peut-être confronté à une dépression ou au besoin de compenser la solitude. C'est la conclusion d'une étude réalisée récemment par des chercheurs de l'Université de Austin au Texas. L'étude a été menée auprès de 316 personnes de 18 à 29 ans. Nos habitudes de visionnage télévisuel ont été passées au crible. au même titre que leur phase de grosse déprime ou de sentiment de solitude. Était considéré comme binge-watching le fait de visionner plus de 2 épisodes de séries télé au cours d'une seule séance. C'était le cas pour 237 personnes, donc 75% des sujets. Et parmi elles, 177 passaient entre 1 et 3 heures d'affilée devant leur poste. Les chercheurs ont ainsi constaté que plus les personnes étaient déprimées, plus elles avaient tendance à se laisser aller au visionnage intensif, en particulier de séries télé par l'intermédiaire de services comme Netflix. Les personnes se déclarant heureuses restaient quant à elles moins longtemps devant l'écran. L'étude, dont tous les détails n'ont pas encore été dévoilés, une présentation complète est prévue en mai, souligne que les adeptes du binge-watching sont généralement seuls devant leur télévision, ce qui aurait tendance à en faire une pratique solitaire. Par ailleurs, cette boulimie de visionnement s'accompagne de difficultés d'autorégulation, ce qui pousse généralement les gens à lancer un nouvel épisode sans faire de pause. On sait que Netflix aide pas bien en faisant partir l'autre après de suite, hein? Néanmoins, l'étude ne conclut pas que le binge-watching favorise la dépression et la solitude de la personne. Elle ne déduit pas non plus que les personnes déprimées se plongent dans un visionnement intensif pour se sentir mieux, et se limite à faire une corrélation entre sentiments dépressifs et le fait de visionner beaucoup d'épisodes de séries d'affilée. Le binge-watching est un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, le développement du piratage qui permet d'accéder rapidement à de nombreux contenus, mais aussi la démocratisation des services de vidéos sur demande qui proposent dans leur catalogue une grande quantité de séries contribue à son expansion. Des services comme Netflix encouragent même les spectateurs à enchaîner les épisodes via un système de lancement automatique, comme je disais tantôt. S'il commence à attirer le regard des chercheurs et psychologues, le binge-watching est également pointé du doigt par les professionnels de l'audiovisuel qui estiment que cette démarche a tendance à dénaturer les mécanismes de suspense des séries télé. Hey, tu me diras pas comment regarder la TV, toi. Moi, je préfère ça comme ça, bon. Sony va diffuser en direct sur Internet des concerts en qualité studio. Le géant japonais d'électronique Sony a annoncé la diffusion en avril sur Internet de concerts de musique classique avec une qualité audio de studio, une initiative qui souligne les progrès techniques et vise à promouvoir les formats sonores en haute résolution. Cette expérimentation menée notamment avec l'Orchestre philharmonique de Berlin et la société d'instruments numériques Korg doit démontrer la faisabilité technique de transmettre en direct un son numérisé avec une fréquence d'échantillonnage de 128 fois supérieure à celle de CD, soit 5,6 MHz, soit la qualité que personne peut entendre avec des oreilles d'être humain. Grâce à cette captation sonore encodée en direct streaming digital, donc DSD, offrant une restitution extrêmement fidèle à l'original analogique, Sony et ses partenaires veulent goûter au grand public un son de facto bien meilleur que celui d'un CD et a fortiori d'un fichier ou d'un flux dégradé et compressé en MP3 ou autre standard. Il s'agit en effet de promouvoir les formats dits High Resolution Audio et les baladeurs, amplificateurs et autres équipements compatibles dont Sony est un spécialiste. Dans le cas présent, moyennant l'installation d'un logiciel dédié gratuit et d'un convertisseur numérique analogique compatible, les mélomanes audiophiles pourront écouter en direct une journée du Festival de printemps de musique classique de Tokyo, le 5 avril, ainsi que la damnation de Faust d'Hector Berlioz par l'Orchestre philharmonique de Berlin, le 11 avril, sous la direction de Simon Rattle. Désolé pour les prononciations, je dis n'importe quoi. À la qualité High Resolution correspond à des formats de fichiers non compressés ou dont l'éventuelle compression se fait sans dégradation du signal d'origine originelle, donc FLAC, AIFF ou autre. Grâce à des connexions Internet à débit élevé, de plus en plus de services de téléchargement dans le monde proposent des fichiers de qualité haute résolution, dont Mora et Enochio Music au Japon, Cubase, Oubli.com en Europe ou encore HD Tracks et Pro Studio Masters aux États-Unis. La différence pour ces concerts est que la transmission se fera en direct. L'émission Mythbusters sur la chaîne Discovery s'est attaquée à Doom. Je vous invite à aller voir les extraits sur Internet. Donc, si vous avez accès, vous avez accès à ça. L'émission populaire Mythbusters de la chaîne de télé Discovery contribue à mettre fin au mythe de longue date relatif à la culture populaire, aux reportages et à la vie quotidienne. Et bien, le 31 janvier dernier, lors d'une émission un peu spéciale, ils ont apporté leur expertise au monde du jeu vidéo. L'épisode consacré à notre passe-temps préféré, Tim Wiltz Did Software, a aidé Adam et Jamie à creuser un sujet très... Pardon. Je dis donc, un sujet très souvent discuté sur les forums traitant de jeux de tir à la première personne. C'est... Oh, ça a pas l'air. Eh ben. Oui. Est-il vraiment possible pour quelqu'un de porter tous ses packs de santé, ses fusils et même une tronçonneuse sur son propre corps, sur sa propre personne? Et bien, pour répondre à cette question, avec l'aide d'id Software, ils se sont inspirés de l'univers de Doom en se basant sur Doom 3 BFG G Edition comme référence. Tim Wiltz a aidé les équipes de l'émission à recréer un niveau de Doom en vrai pour l'occasion, donc allez voir les vidéos sur assemblagerequis.com. Les artistes adeptes de Retro Gaming se sont amusés à recréer l'introduction de la populaire série Les Simpsons avec un graphisme 8-bit. Vous avez peut-être vu passer ça sur Facebook, je suis pas le premier à en parler, mais quand même, je trouvais ça vraiment bien fait. produite par Paul Robertson, qu'on connaît, et c'est la raison pour laquelle je trouve ça beau, je pense. C'est celui qui a fait le jeu vidéo Scott Pilgrim vs. The World. Un des plus beaux jeux, mais un des jeux que je trouve les moins fun, parce que c'est un beat'em up, tu sais. Tu dois juste taper du monde dans la rue, je trouve tellement ça plat, ces jeux-là. Ivan Dixon, aussi, de Rubber House. La vidéo en question est une lettre d'amour d'un peu moins de 2 minutes bourrée de références à la série télé et à l'univers du jeu vidéo. Au risque de reprendre le qualificatif employé dans le titre de cet article, nous dit branchez-vous, la fin est tout simplement hallucinante. Voilà, donc hallucinant. Allez voir ça. Aussi, oui, j'aurais donc dû l'ouvrir sur le nom. Si vous me donnez 30 secondes, là, je vais vous le chercher. Mais comme le souligne The Verge, les producteurs des Simpsons ont collaboré avec un bon nombre d'artistes de renom par le passé, notamment le graffeur Banksy et l'animateur Don Hertzfeld. Donc peut-être qu'on peut espérer que cette initiative va inspirer Matt Groening et son équipe à travailler de pair avec nos deux comparses qui ont créé cette vidéo-là. Et non, la raison que je cherchais et que j'espère pouvoir la voir à temps, je pense que oui, c'est que la chanson des Simpsons est aussi reprise en chiptune dessus. Et c'est ce qui rend ça intéressant pour le Mathieu Plante Show, je pense, ben, hein? C'est tout ce qu'on fait du chiptune, on écoute ça. Puis on revient après avec les codes d'écoute, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Si je peux me permettre, à la date, c'est plus midi que chiptune, mais bon. C'était parfait, ça, c'était parfait. T'as juste enlevé le nom des créateurs dans la petite télé à la fin qui montre le générique des gens qui ont fait la chanson et la vidéo qu'on était en train de regarder à la radio. Juste à changer les noms pour livrer leur générique puis l'utiliser tel quel dans l'émission. Même pas besoin de rechanger. Pas besoin de rien changer là-dedans, c'était génial. Donc voilà, allez voir les liens sur assemblagerequis.com. Sinon, il nous reste encore les codes d'écoute à faire dans Télévision avant de se quitter. Et cette fois-ci, c'est les codes d'écoute pour l'année 2014 au grand complet. Donc, séries, événements sportifs, émissions de fin d'année. Quels sont les codes d'écoute des émissions les plus regardées au Québec et au Canada en 2014? Donc, en 10e place, Le Banquier. En 9e, Les Beaux Malaises. En 8e, Fort Boyard, la première. En 7e, Le Hockey des Canadiens, série éliminatoire ronde 3. En 6e, L'été indien, la première. En 5e, Spécial Infoman de Radio-Canada. Émission de fin d'année, bien sûr. En 4e, Unité 9, première de la saison 3. En 3e, Le Hockey des Canadiens, série éliminatoire ronde 2. En 2e, La Voix. Et en première, c'est le Bye Bye 2014 avec 3 941 000, même si c'était à la toute fin de l'année. Ça compte quand même. Du côté du Canada anglais, en 10e place, c'est NHL Playoffs Round 3. En 9e, Gotham. En 8e, le championnat mondial junior série éliminatoire Canada. En 7e, Coupe du monde de la FIFA 2014. 6e, NHL Playoffs Round 2. En 5e, CFL Grey Cup. En 4e, Sochi 2014 Closing Ceremony, les fermetures des Jeux de Sochi. En 3e, The Big Bang Theory. En 2e, les Academy Awards, c'est les Oscars. Et en première, c'est NFL Super Bowl, c'est le Super Bowl de l'année passée. Avec 7 318 000 téléspectateurs au Canada anglais. Voilà, c'est tout pour Télévision Télévision. On retourne en chiptune et on va revenir après la pause avec notre chronique Merci Science. Mais avant ça, on écoute Dead from Billy avec She's Gonna Be My Girl, oh yeah! MPS, c'est le Mathieu Plante Show, 89 FM, c'est fou. d'excentricité. 89.1. Imaginary et Blue Raspberry. Au Mathieu Plante Show maintenant, c'est Merci Science. Et Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Débutons avec des rayons X. Une équipe internationale comprenant des chercheurs de l'Institut de recherche et d'histoire des textes du CNRS, du CNR italien et de l'ESRF Synchrotron de Grenoble a utilisé une nouvelle technique d'imagerie non invasive par rayon X pour tenter de percer les secrets des célèbres papyrus d'Herculanum. L'équipe a ainsi réussi à identifier les lettres grecques sans avoir à dérouler les rouleaux carbonisés par l'éruption du Vésuve en 79 après J.C. Lauzon. Ces papyrus contenus dans la seule bibliothèque antique qui nous soit parvenue à ce jour pourront probablement tous être décryptés grâce à cette technique. Les célèbres papyrus d'Herculanum ont été retrouvés à partir de 1752 dans l'une des villas d'Herculanum. Cette cité a été préservée pour les générations futures en même temps que celle de Pompéi en 79 après J.C. lors des éruptions de Vésuse. Nous savons aujourd'hui que ces papyrus faisaient partie de la bibliothèque de Lucius Calpurnius Piso-Cessoninus, encore appelé Pison. En plus d'être le beau-père de Jules César et un politicien influent dans la Rome antique, Pison était un protecteur des arts et de la philosophie. Cette bibliothèque, la seule de l'Antiquité qui nous soit parvenue complète, contenait notamment des textes rédigés en grec exposant les idées de Philodème de Gadara, un philosophe épicurien d'origine syrienne, mais très hellénisé. Il a en effet étudié à Athènes auprès de Zénon de Sidon, alors à la tête de l'école épicurienne avant notre ère. Ça commence à être du profond historique tout ça, mais quand même l'histoire est très intéressante. Il reste beaucoup de travail à faire selon les chercheurs, mais il semble qu'un verrou a bel et bien sauté qui empêchait d'imaginer pouvoir lire toute la bibliothèque de Pison sans avoir à ouvrir les rouleaux qu'elle contient. Maintenant, pardonnez-moi de commencer en parlant de France. Parce qu'on n'est pas en France, mais en France, la production de boues d'épuration représentait 1,8 million de tonnes de matières sèches en 2009. Des déchets encombrants qui contiennent pourtant de nombreux métaux, précieux ou non. Cette matière pourrait bien être valorisée, estiment aujourd'hui les chercheurs de l'Arizona State University. Le traitement des eaux usées s'accompagne de la production d'une grande quantité de boues d'épuration, une quantité qui croît d'année en année, conséquence de la croissance démographique et d'une réglementation qui devient de plus en plus stricte. Donc, en 2003, la production de boues d'épuration était en France de 900 000 tonnes de matière sèche. En 2009, elle avait déjà atteint 1,8 million de tonnes. L'élimination de ces boues pose problème aux gestionnaires de stations d'épuration. Environ 60% d'entre elles sont valorisées en agriculture, mais la présence de contaminants dans ces boues a tendance à rendre de plus en plus délicat leur épandage. Parmi les contaminants qu'on retrouve dans les boues d'épuration figurent toutes sortes de métaux. Les scientifiques de l'Arizona State University s'y sont intéressés de plus près. Ils ont d'abord rassemblé des boues venues de tous les États-Unis pour obtenir un échantillon représentatif. Ils ont ensuite analysé ce dernier à l'aide d'un spectromètre de masse capable d'identifier les différents éléments contenus dans la boue après ionisation dans un plasma super chaud. Selon les résultats publiés en ligne sur Environmental Science and Technology, les boues d'épuration produites par une ville d'un million d'habitants en un an contiennent plus de 11 millions d'euros de métaux, du platine, de l'argent, du cuivre, du fer, du zinc et même de l'or pour plus de 2 millions d'euros. Les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or. Peut-être auraient-ils dû s'intéresser de plus près à ce qui transite dans nos égouts. Ces résultats encourageront-ils à corriger le regard porté sur les eaux usées? Quelques expérimentations ont déjà été lancées dans le but de valoriser ces métaux. Vous pouvez avoir voir plus de détails sur assemblagerequis.com, mais l'étude de l'Arizona State University ne s'en est pas intéressée au coût qu'engendrait l'extraction des métaux contenus dans les boues d'épuration. Un point pourtant capital, ici comme ailleurs. Les chercheurs vont donc désormais se pencher sur la faisabilité économique, mais aussi technique. Car la plupart du temps, les métaux cachés dans les boues d'épuration s'y trouvent à l'état de particules microscopiques ou complètement dissous. Les spécialistes se montrent toutefois optimistes. Il faut dire que la CIC, ces métaux dans les boues d'épuration, se paient aussi en pollution et risque pour la santé publique. Parlant de santé publique, chauffer au maximum et aspirer profondément. La vapeur contenant de la nicotine dans les cigarettes électroniques peut former du formaldéhyde. Cette substance rend l'objet 5 à 15 fois plus cancérogène que le tabac, selon une étude américaine rapidement contestée. Je cite, « Nous avons constaté que le formaldéhyde peut se former durant le processus de vaporisation des cigarettes électroniques », écrivent les chercheurs de l'Université d'État de Portland en Oregon, dans le nord-ouest des États-Unis, dans une lettre parue dans le New England Journal of Medicine. Ils ont utilisé une machine à inhaler de la vapeur de cigarettes électroniques à faible et haute tension pour déterminer comment le formaldéhyde, un cancérogène connu, se forme à partir de liquides composés de nicotine, d'agents chimiques aromatisants, de propylène glycol et de glycérine. Les chercheurs n'ont constaté aucune formation de formaldéhyde quand la machine, fonctionnant à faible voltage, donc 3,3 volts, chauffait normalement le liquide qui se trouve dans le réservoir des cigarettes électroniques. Ces cigarettes sont dotées d'une résistance alimentée par une pile électrique. Mais quand le liquide était chauffé bien davantage, à 5 volts, le taux de formaldéhyde qui se formait était alors légèrement plus élevé que ce trouvé avec la combustion des cigarettes conventionnelles. Ainsi, un consommateur de cigarettes électroniques qui inhale chaque jour l'équivalent de 3 ml de ce liquide vaporisé chauffé au maximum absorbe aussi quelques 14 mg de formaldéhyde. En comparaison, une personne qui fume un paquet de cigarettes papier par jour absorbe environ 3 mg de ce cancérogène sur le long terme. L'inhalation d'environ 14 mg de cette substance nocive chaque jour pourrait multiplier par 5 à 15 fois le risque de cancer selon les précédentes études. J'ai l'air d'un fumeur, hein? Selon le directeur de la division sur le tabagisme de la faculté de médecine et de dentisterie de Londres, cette recherche ne reflète pas la réalité. Je cite, « Quand les fumeurs de cigarettes électroniques surchauffent le liquide, cela produit un goût âcre et désagréable, ce qu'ils évitent de faire. » Donc l'expert qui n'a pas participé à cette étude estime toutefois que si la vapeur de cigarettes électroniques n'est pas aussi sûre que l'air que l'air pur des montagnes, elle est toutefois bien moins nocive que la cigarette conventionnelle. La FIVAP va dans le même sens lorsqu'elle s'explique au sujet de cette étude que, je cite, « Les conditions d'un vapotage normal n'ont rien à voir avec celles recréées dans cette étude. Les valeurs exprimées dans cet article sont celles que l'on retrouve dans un équipement qui fonctionne extrêmement mal. » Donc, à prendre avec un grain de sel. Une équipe du Georgia Institute of Technology travaille actuellement sur un clavier biométrique qui sait reconnaître son utilisateur en analysant le signal électrique produit par chaque frappe. Ce prototype est fait de touches auto-nettoyantes et il est capable de produire assez d'électricité pour s'alimenter tout seul. La manière dont une personne tape sur le clavier de l'ordinateur lui est propre. Ce constat n'est pas nouveau et fait l'objet de travaux de recherche. Le but est de pouvoir se servir de cette particularité comme outil biométrique afin de sécuriser des systèmes, mais aussi identifier le genre d'une personne, son âge, voire son état émotionnel. Donc ainsi au célèbre Georgia Institute of Technology, des chercheurs amenés par le professeur Zhong Lin Wang ont mis au point un clavier susceptible de reconnaître son utilisateur. L'appareil produit un signal électrique à chaque fois qu'un doigt entre en contact avec la surface des touches. Ce signal électrique complexe peut être analysé de manière à déterminer un profil qui sert à identifier un utilisateur. Le clavier n'est pas mécanique et ses touches sont faites de couches de plastique transparentes qui renferment des films d'oxyde d'indium éteint en guise d'électrode. L'électricité est produite par un effet triboélectrique. Un phénomène électrostatique se déclenche lorsque deux matériaux sont mis en contact puis séparés. En l'occurrence, il s'agit de la peau et des matériaux utilisés pour les touches. Selon le chercheur, une personne mal intentionnée ayant dérobé les codes d'accès à un ordinateur ne pourrait pas s'en servir puisque le clavier ne le reconnaîtrait pas. Dans son article publié, donc l'équipe explique qu'elle a testé son prototype auprès de 104 personnes. Chacune devait écrire 4 fois le mot anglais « touch » afin que le signal électrique correspondant à la frappe des touches soit enregistré. Son analyse a permis de distinguer des profils individuels. Cette technique d'analyse de ce que l'on appelle la dynamique de frappe n'est pas nouvelle. On avait rendu compte des travaux de Christophe Rosenberger, professeur à l'université de Caen. Je cite, « La dynamique de frappe contient des informations propres à la dextérité d'une personne qui sont de l'ordre du réflexe. » C'est précisément ce réflexe que nous essayons de capter. Voilà. Vraiment intéressant. Le clavier biométrique pourrait être commercialisé d'ici 2 ans. Mais les scientifiques du Georgia Tech considèrent que cette approche purement logicielle est plus limitée que leur technologie qui prend en compte l'intensité de la pression physique sur les touches. Par ailleurs, ce signal électrique peut être assez important pour alimenter un clavier sans fil, ce qui pourrait permettre de se passer de piles. La seule condition est que la vitesse de frappe doit être supérieure à 100 caractères par minute. Outre le fait que ce clavier ne soit pas mécanique, la composition de ses touches permet de le rendre résistant aux liquides, poussières et autres dépôts graisseux. Le professeur assure que cette technologie pourrait être commercialisable d'ici 2 ans si un investisseur s'y intéressait. Elegus Technologies, une spin-off de l'Université du Michigan aux États-Unis, a exploité les propriétés du Kevlar pour fabriquer une membrane nanométrique qui isole les électrodes dans les batteries lithium-ion. Ça permettrait non seulement de réduire les risques de court-circuit, mais aussi de concevoir des batteries plus fines. La production industrielle débutera fin 2016. Si de nombreux travaux de recherche et de développement explorent les pistes pour améliorer l'autonomie ou la fabrication des batteries au lithium-ion, la sécurité est une problématique qui gagne une importante croissance. C'est comme vous voulez. La multiplication des appareils mobiles, des objets connectés, sans parler des voitures électriques, rend ce type de batterie pour le moment incontournable et omniprésente dans notre quotidien. Alors, tout ce qui peut en améliorer la sûreté est bien évidemment important. Justement, d'ici un peu plus de 2 ans, nous pourrions voir arriver des batteries au lithium-ion plus sûres, plus fines et plus puissantes. C'est en tout cas ce que promet Elegus Technologies, une entreprise nord-américaine fondée par des chercheurs de l'Université du Michigan. Ces derniers ont mis au point un séparateur en nanofibre de Kevlar qui s'intercale entre l'anode et la cathode tout en laissant circuler les ions. La membrane empêche la formation de dendrites, ces excroissances qui se forment à la longue sous l'effet de contraction et des gonflements que subit le lithium durant les cycles de charge et décharge. Ces dendrites peuvent endommager le séparateur en polymère qui isole l'anode et la cathode et provoquer un court-circuit susceptible de déboucher sur l'incendie, voire l'explosion de la batterie. On a déjà vu ça assez souvent. Dans un article scientifique que vient de publier Nature Communications, les chercheurs expliquent que la largeur des pores de leur membrane en Kevlar mesure entre 15 et 20 nanomètres, une dimension suffisante pour laisser passer les ions lithium tout en bloquant les dendrites dont l'extrémité fait entre 20 et 50 nanomètres. Elegus Technologies précise que sa membrane en Kevlar peut aussi fonctionner avec les batteries lithium-soufre et lithium-air. Elle compte débuter la production de masse de son produit à partir du 4e trimestre de 2016. Et finalement, en appliquant une solution durée à un blanc d'œuf dur et en le centrifugeant, des scientifiques ont pu rétablir la protéine appelée iosozyme, une expérience étonnante et qui, malgré les apparences, est loin d'être inutile, c'est-à-dire qu'on a décuit un œuf. Lorsqu'un œuf cuit, les protéines se déroulent, coagulent et l'œuf durcit. Ce processus apparemment irréversible peut-il être renversé? Un plat raté peut-il être recommencé avec les mêmes ingrédients? Les scientifiques de l'université d'Irvine en Californie et d'Adelaide en Australie publient dans la revue Chem Biochem un protocole avec lequel ils ont réussi à décuire un œuf. Matériel nécessaire, une solution durée et une machine innovante qui centrifuge, donc c'est pas l'idéal pour la cuisine. Mais l'expérience n'est pas si anecdotique qu'elle n'y paraît. En réalité, ce procédé pourrait révolutionner la production industrielle de protéines et baisser les coûts de nombreux traitements comme les anticancéreux. Maintenant, on parle un petit peu de cette technique-là. Dans leur article, les chercheurs ont travaillé sur une protéine du blanc d'œuf qui est le iosozyme. Le blanc d'œuf a été cuit pendant 20 minutes à 90 degrés Celsius, puis il a été dissous avec de l'urée pour retrouver une structure liquide. À cette étape, les protéines sont toujours inutilisables et c'est alors qu'intervient la deuxième étape, une centrifugation grâce à une machine puissante créée à la South Australia's Flinders University. Centrifugation? Le blanc d'œuf tourne dans un cylindre de verre de 10 mm par 16 cm à 5000 tours par minute avec un angle de 45 degrés. Et alors, miracle, le yeuxosime a retrouvé son activité. Le procédé a aussi été utilisé avec de la cavéoline recombinante et une protéine plus grosse, la protéine kinase. Que de complexité. C'est une victoire donc pour les chercheurs qui se sont longtemps battus avec des protéines produites en laboratoire qui ne prenaient pas la forme voulue. Cette découverte pourrait apporter beaucoup à l'industrie pharmaceutique notamment. Cette méthode pourrait transformer la production de protéines pour la recherche et l'industrie. En effet, la production de protéines recombinantes est moins coûteuse dans des modèles comme la levure ou la bactérie E. coli. Mais souvent les protéines produites n'ont pas la bonne configuration. Forment des agrégats et ne se replient pas correctement. C'est pourquoi sont employés d'autres modèles cellulaires de production de protéines recombinantes, comme des cellules de mammifères ou d'insectes, des modèles bien plus coûteux. Par exemple, l'industrie pharmaceutique doit produire des anticorps contre le cancer dans un modèle de cellules ovariennes de hamster afin d'obtenir un bon repliement des protéines. Il existe des méthodes pour récupérer du matériel mal replié, mais celles-ci sont chères et fastidieuses. L'équipement d'une dialyse à un niveau moléculaire nécessite plusieurs jours et des litres de liquide pour obtenir des milligrammes de protéines. Le nouveau procédé décrit ici est bien plus rapide et économique. Il pourrait donc réduire les coûts de production de certains médicaments. Évidemment, nouvelle absolument géniale, mais décuire un œuf, ça a l'air stupide, mais ça sert à quelque chose finalement. Voilà pour Merci Science. Tout à l'heure, on continuera avec le segment Geek CNX, quelques nouvelles technologiques, informatiques et jeux vidéo, mais avant ça, on s'en va entendre Rana. Voici sa pièce Anxiety, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. We'll be right back. Aucune raison d'avoir peur, c'était complètement normal. C'était dans la chanson, c'était Doomsbury avec Aeroplane Spaceship. Mathieu Plante Show. Ah, mais là, on parle de technologie, voici le segment Geek Cynix. On fait un petit survol à des nouvelles technologiques, informatiques, jeux vidéo depuis les 7 derniers jours. Commençons avec le producteur japonais Nobumichi Asai, qui a mis au point une technique de face hacking grâce à laquelle il peut transformer le visage d'une personne à volonté en projetant un maquillage de synthèse. Un résultat assez impressionnant. Vous vous souvenez de la technologie Illumiroom de Microsoft qui permet de transformer une pièce en aire de jeu interactif grâce à un vidéoprojecteur et une Kinect. Ce dernier scanne la pièce pour en modéliser les volumes et les couleurs de chaque objet et le système projette ensuite une image adaptée qui transforme l'apparence de la pièce de façon bluffante. Cette technologie est encore en développement avec des déclinaisons comme le projet Room Alive, mais elle a visiblement inspiré d'autres applications. Ainsi, l'équipe de Japonais dirigée par le producteur Nobumichi Asai a présenté Face Hacking, une œuvre technologique créative très impressionnante qui consiste à projeter sur des visages des images adaptées en temps réel. Ceci transforme totalement votre apparence. Le studio utilise des dispositifs de tracking comme des mouvements de la tête et de projection 3D pour obtenir ce rendu. La même équipe avait déjà présenté Omote, montré sur la première vidéo que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. La technique est encore un peu lourde pour l'utilisation individuelle, mais quand même, c'est assez impressionnant. On voit quelqu'un, on dirait qu'il y a un squelette d'en face. C'est bien bon. Un nouveau type de verre correcteur capable de se teinter instantanément quand on le désire et non selon la luminosité extérieure pourrait bientôt devenir réalité, en croire les résultats d'une étude menée par le Georgia Institute of Technology. Les verres photochromiques proposés sur le marché restent limités, ne parvenant pas à assombrir en voiture ni sous un chapeau. La phase de transition de verre est parfois lente lorsque le soleil disparaît, ce qui est loin d'être pratique au quotidien. De plus, de nombreuses marques de verre laissent passer les UV, posant d'importantes questions de santé. Mais une équipe de chercheurs de Georgia Tech a trouvé la parade en concevant des lunettes pouvant se transformer en solaire d'un simple clic grâce à un petit interrupteur électrique. On passe donc de ses lunettes de vue au solaire en quelques secondes, permettant de choisir la coloration de son verre et non plus de la subir. Les chercheurs ont tenu à préciser que les différentes teintes de verre solaire actuellement sur le marché pourront être proposées avec ces nouveaux verres. Ils pensent par ailleurs que leur méthode sera facilement applicable à la production en masse pour le grand public. Une étude qui a été publiée dans la revue American Chemical Society Applied Materials and Interfaces. En cours de financement sur Indiegogo, Luna est une housse de couette, donc une douillette connectée qui se propose de rendre votre lit intelligent au-delà des habituels capteurs de mesure. Toutes les pièces de la maison se connectent petit à petit, et même si des solutions existent déjà pour la chambre, le lit est un élément un peu oublié jusque-là. Avec Luna, la situation change puisque cette housse de couette qui se connecte au réseau est destinée à rendre le lit plus intelligent. Une fois en place, la housse bardée de capteurs peut ajuster la température des deux côtés du lit, capter les mouvements du corps, la respiration ou encore le rythme cardiaque. Connecté au téléphone intelligent, le lit peut donc donner des informations sur les habitudes de sommeil de ses utilisateurs, mais également d'apprendre. La température du matelas s'ajuste à partir d'une certaine heure pour être idéale à l'heure du coucher. Ah, ça va faire plaisir à plus d'un. Mais ce ne sont pas les seuls intérêts de Luna. La housse peut être connectée à d'autres objets. Elle peut être reliée au thermostat Nest, aux serrures connectées de Lucky Tron, aux ampoules Philips Hue ou encore à la domotique Wemo. Il est possible de gérer de multiples paramètres, comme baisser la température ou éteindre automatiquement les lumières une fois au lit, ou bien déclencher l'allumage d'une cafetière au moment de se lever. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. À la place d'avoir à programmer ta cafetière, tu fais juste lui dire que quand je me lève de mon lit, commence à le faire, tu sais. Puis le temps que je me réveille, brosse les dents, etc., pas besoin des détails, puis après ça, hop, mon café est prêt. Luna propose donc d'automatiser certaines actions en se basant sur les habitudes de sommeil de ses utilisateurs, le tout en ne proposant rien d'autre qu'une housse de matelas. Il s'agit d'un pas supplémentaire vers les textiles connectés et autant de voir ces technologies arriver concrètement dans nos vêtements, la chambre à coucher pourrait bien s'avérer être un terrain d'expérimentation inattendu. Le bémol reste cependant le prix d'une telle housse puisqu'elle se commercialisera de cet été au prix de 250$. Il est possible d'en faire l'acquisition via Indiegogo pour 200$ pour une livraison prévue en 2015. Quand même, pas si pire. C'est cher, mais je veux dire, tu passes quoi le tiers de ta vie au lit? Il y a un moment donné, faut relativiser ça. Les laboratoires de Google planchent sur une multitude de projets et si certains sont fortement valorisés par l'entreprise, d'autres sont plus discrets. En matière de recherche médicale, l'entreprise travaille sur un bracelet capable de détecter les cellules cancéreuses. Google nourrit de grandes ambitions dans le domaine de la santé. On connaissait déjà Baseline, le projet de base de données génétiques et moléculaires dévoilé en juillet 2014. Le site The Atlantic a eu droit à la présentation d'un autre projet d'envergure destiné à déceler le plus tôt possible les cellules cancéreuses dans l'organisme humain. La technologie développée en ce sens nécessite deux éléments distincts. D'un côté, une gélule à ingérer contenant des nanoparticules dont la mission est de circuler dans le corps à la recherche de cellules cancéreuses. Si ce genre de situation est détectée par les nanoparticules, ces dernières se fixent aux cellules en question et se mettent à émettre un rayonnement. C'est là que le second élément du système entre en jeu, un bracelet conçu pour attirer à lui les nanoparticules et recevoir le rayonnement. Le porteur du bracelet est alors alerté de la situation et peut agir en conséquence. Les premières expériences visant à perfectionner cette technologie ont eu lieu dans les laboratoires de Google, mais pas sujet à des sujets vivants. Voilà. Donc, les scientifiques ont conçu des bras humains recouverts d'une reproduction de peau humaine composée en partie de vraies peaux, même si la majeure partie est synthétique. Et pour cause, l'objectif de ces expériences visait à étudier la propagation de la lumière à travers différents types de peaux pour optimiser la connexion entre les nanoparticules et le bracelet. Google travaille sur l'établissement du profil d'une personne saine, dont aucune cellule n'est cancéreuse. Le projet est directement lié à celui de Baseline, qui se base sur les données de 175 participants anonymes pour concevoir des profils types. Le projet de bracelet détecteur de cancer n'en est encore qu'à ses balbutiements et ne devrait être finalisé que dans plusieurs années, mais il est révélateur de l'ambition de Google dans le domaine médical. Maintenant, détecter la présence d'un smartphone et recharger sa batterie automatiquement sans la moindre intervention de son propriétaire, c'est ce que promet le système AutoCharge, prototype de Microsoft qui repose sur un procédé de charge photovoltaïque au moyen d'une lumière artificielle. Le temps de recharge serait quasi équivalent à celui d'un chargeur filaire. Évoquant le fardeau que représente le fait de devoir quotidiennement se préoccuper du niveau de batterie de son téléphone, oh boy, c'est tellement le plus grand défi de ma vie. L'équipe de Microsoft Research basée en Chine a mis au point un procédé de charge entièrement automatique. nommé AutoCharge, il est capable de détecter la présence d'un téléphone intelligent posé sur une table, d'évaluer l'état de sa batterie, puis de déclencher un processus de charge par émission d'un rayon lumineux qui va aller cibler la cellule photovoltaïque incorporée dans le mobile. Actuellement, le prototype distingue un smartphone d'un autre objet en 0,3 secondes et démarre immédiatement la charge. AutoCharge se présente sous la forme d'une lampe torche LED qui est motorisée afin que le rayon lumineux puisse être dirigé avec précision sur le téléphone auquel il est branché, une cellule photovoltaïque. Photovoltaïque, c'est pas ça. Le module est associé à un capteur Kinect qui scanne en permanence une surface donnée qui peut être un bureau, une table, voire une pièce entière. Un logiciel de reconnaissance distingue le smartphone parmi les autres objets et déclenche la charge si nécessaire. Les détails sur assemblagerequis.com. Toujours chez Microsoft, on rattrape un petit peu les nouvelles de la semaine passée parce que, Colin, j'ai pas fait de CNX avec l'émission écourtée de la semaine passée, mais Microsoft avait dévoilé des lunettes de réalité augmentée vraiment intéressantes permettant d'ajouter des hologrammes d'objets virtuels en trois dimensions au monde réel et d'interagir avec eux avec ses mains, une fonction présentée comme la prochaine génération de l'informatique. Je cite, jusqu'à maintenant, nous nous immergeons dans le monde de la technologie. Ici, nous pouvions prendre la technologie et l'immerger dans notre monde. Les hologrammes peuvent devenir une part de notre vie quotidienne. Donc, des acteurs innovants dans la réalité virtuelle, parmi lesquels la société Oculus VR, rachetée l'an dernier par Facebook, ont été invités à explorer quelles applications seraient possibles pour ces lunettes. Les capacités liées aux hologrammes des HoloLens, H-O-L-O-L-E-N-S, seront intégrées au futur système d'exploitation Windows 10, sur lequel Microsoft donnerait davantage de détails la semaine passée. Le patron de Microsoft, Satya Nadella, a vanté l'utilisation de HoloLens et Windows 10 comme des expériences époustouflantes qui, selon lui, ouvriront la porte à un nouveau type d'informatique. Si c'est un succès, HoloLens étendra en fin de compte la manière dont les gens interagissent avec les machines comme la souris dans les années 90 et les interfaces tactiles après l'introduction de l'iPhone en 2007. A estimé pour sa part James McQuivy, un analyste du cabinet de recherche Forrester. Pour avoir regardé la petite vidéo de HoloLens, c'est en effet assez impressionnant. C'est sûr que c'est un render, c'est du graphisme en 3D dans la démo, mais les gens qui l'ont vu dans la salle étaient vraiment époustouflés aussi, comme de quoi que ça a l'air vraiment d'être un projet qui a du sens. Et ça devrait être sur le marché à l'automne 2015. C'est quelqu'un dans la maison, parce que c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir transporter dans la rue, là, mais c'est quelque chose qui est branché sur un ordinateur en ce moment. Et tu peux avoir bon un écran de télé qui s'affiche sur un mur, tu peux avoir un jeu en 3D que tu peux jouer avec tes mains sur la table, tu peux avoir la météo qui apparaît partout, donc devant toi, à la place d'être comme Google Glass, ou si c'est seulement un écran qui s'affiche dans ton champ de vision, à la place c'est vraiment les objets qui apparaissent autour de toi et qui en plus bougent quand tu bouges ta tête. Donc à HoloLens, H-O-L-O-L-E-N-S, pour aller voir plus d'informations là-dessus. Justement, parlant de réalité virtuelle, remplacer les écrans de divertissement des avions par des casques à réalité virtuelle, une idée pas si saugrenue que Samsung et la compagnie aérienne Qantas s'apprêtent à expérimenter sur certains vols. Regarder un film sur le système de divertissement embarqué d'un avion n'est pas l'expérience la plus agréable qui soit, parce que l'image n'est pas toujours de bonne qualité. Le regard est attiré parce qu'il regarde le voisin de siège et on a parfois honte de nos goûts cinématographiques douteux. La solution pourrait donc être adoptée pour un système plus privé, et c'est là que Samsung et son casque Gear VR entrent en jeu. L'entreprise coréenne vient en effet de signer un accord avec la compagnie aérienne australienne Qantas, peu importe, dans l'optique de proposer sur certains vols le prêt de casque aux passagers. Une démarche qui ne se limitera pas à l'intérieur des avions, puisqu'il sera possible d'en bénéficier dans les salons des aéroports. Cette première expérience du genre sera limitée, seuls les passagers de première classe pourront en bénéficier. Et le contenu proposé devrait être cantonné à des productions réalisées par la compagnie aérienne et ses partenaires touristiques, donc pas de catalogue de films ou de jeux dans les médias. Cette phase de test pourrait emboîter le pas sur d'autres à venir, en particulier si les retours des voyageurs s'avèrent positifs. Surtout que j'inspire, t'sais. En tout cas, cette manière d'utiliser un casque de réalité virtuelle pourrait bien s'avérer de plus en plus pertinente à l'heure où Oculus VR tente de démocratiser l'usage de cette technologie dans le divertissement cinématographique. Toujours dans les lunettes, des lunettes spéciales qui permettent à un jeune aveugle de voir son bébé. Cette nouvelle-là date aussi un petit peu, mais on en parle quand même. Donc, c'est une vidéo qui montre une jeune Canadienne aveugle découvrant son bébé qui vient de naître grâce à des lunettes spéciales de haute technologie faisant le tour d'Internet. La vidéo postée sur YouTube montre Kathy Bates, 29 ans, en train de voir le petit Axel, A-K-S-E-L-L, bien sûr, dont elle a accouché 2 heures plus tôt, en décembre dernier. C'est le premier bébé qu'elle voit et c'est le sien. Elle dit que c'est bouleversant. La jeune femme est atteinte d'une maladie génétique de dégénérescence maculaire de l'œil, la maladie de Stargardt. Elle porte pour la première fois ses lunettes disponibles au prix de seulement 15 000 $ l'unité, qui permettent aux personnes qui ne sont pas atteintes d'une totale cécité de voir par un système de vidéo et de technologie qui agrandissent et contrastent les images. Et toujours au sujet des malvoyants, mettre sa vue au service des malvoyants par l'intermédiaire de son smartphone, c'est la proposition de l'application Be My Eyes qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques jours. Encore une fois, c'est une nouvelle qui date de la semaine passée. Si les smartphones deviennent de plus en plus accessibles aux personnes malvoyantes du fait du développement de fonctions d'accessibilité et d'usage sonore, les limites sont toujours présentes. Parfois, la machine ne peut pas remplacer une intervention humaine et c'est là que Be My Eyes entre en jeu en mettant en relation des volontaires bénévoles, des personnes malvoyantes ou non-voyantes qui peuvent avoir besoin d'un peu d'aide. Pour l'heure, uniquement disponible sur les terminaux donc de iOS, donc Apple, l'application conçue par le Danois Hans-Jørgen Wiberg met les deux catégories de personnes en relation au nom de l'entraide. Certains critères comme la langue ou le pays sont renseignés pour plus de précision. Lorsqu'une personne malvoyante a besoin d'aide dans une situation précise, trouver son chemin dans une gare, avoir un renseignement sur la composition d'un aliment, etc., elle peut solliciter l'intervention d'un bénévole par le biais de l'application. Une personne disponible peut alors utiliser la caméra et le micro du smartphone pour lui venir en aide. L'application et le service sont gratuits. La communauté recense actuellement plus de 80 000 bénévoles et 6 000 malvoyants. L'application a déjà permis à près de 14 000 interactions entre voyants et malvoyants depuis sa mise en ligne début janvier. Il y a une version pour Android en cours de développement. Il est possible de s'inscrire pour être prévenu de sa mise en ligne sur le site de Be My Eyes sur bemyeyes.us. S'inspirant du bon vieux Polaroid, Print est une coque pour smartphone renfermant une imprimante qui permet d'immortaliser ses clichés sur papier en 30 secondes. Lancé sur la plateforme de financement participatif Kickstarter, le projet a atteint son objectif en une trentaine de minutes. On parle de Print, P-R-Y-N-T. Donc, dégainer son smartphone pour prendre une photo est un geste simple, presque évident, d'autant que certains de ces mobiles sont devenus des appareils photo très performants, mais au final, ces centaines de clichés stockés dans le téléphone ne sont pas ou peu consultés. C'est en partant de ce constat que Print, une start-up créée par 6 Français, a eu l'idée de proposer une mini-imprimante, ou plutôt une coque imprimante. Le concept est assez simple, l'utilisateur glisse son smartphone dans la Print, elle se branche par le collecteur micro USB ou Lightning, il prend une photo de façon classique à travers l'écran du mobile, puis celle-ci est imprimée en 30 secondes. Il est aussi possible de tirer n'importe quel cliché depuis la photothèque du smartphone, mais aussi à partir de Facebook ou d'Instagram. C'est compatible avec certains terminaux Android, les Galaxy S4 et S5, ainsi que les iPhone 5, 5S, 5C et 6. L'appareil pèse 225 grammes et dispose de sa propre batterie qui permet une vingtaine d'impressions. Celles-ci se font sans cartouche d'encre, tout est dans le papier zinc. Allez voir les informations sur assemblagerequis.com. McDonald's en Australie a placé aux enchères sur le site eBay une bouteille de la sauce spéciale du fameux Big Mac dans un contexte difficile pour le leader mondial de restauration rapide dont les ventes ne cessent de chuter. La bouteille de 500 ml de cette sauce, longtemps décrite comme secrète, est l'une des 200 produits à travers le monde qui ne seront pas vendus dans les restaurants, ce qui la rend très rare, nous indique McDonald's en Australie. Celle-ci s'élevait à 23 000 $ australiens il y a quelques jours alors que restait 8 jours d'enchères. La totalité de la somme récoltée, précise l'annonce, sera reversée aux maisons australiennes de la Fondation Ronald McDonald, créée par le groupe américain et qui œuvre pour les enfants. Si vous aimez les nouvelles de fast-food, écoutez une grosse pointe à l'adresse dans Assemblage Requis les matins. On revient un petit peu sur le Super Bowl avec la nouvelle dont tout le monde parle, c'est que EA Sports touche vraiment juste avec Madden NFL 15. Pour la première fois en 13 tentatives, EA Sports trouve le bon score du Super Bowl avec sa simulation Madden NFL. C'est un rituel depuis 12 ans maintenant, à quelques jours du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Actually Cards réalise une simulation de l'événement sportif sur son épisode de Madden annuel. 8 fois, la simulation vidéoludique a prédit le bon vainqueur, ne se trompant qu'à 3 reprises, notamment l'an passé quand Madden NFL 25 n'avait pas vu venir la déroute des Broncos. Cause terrassée 43-8 par les Seahawks de Seattle. Cette fois, Madden NFL 15 n'a pas fait les choses à moitié. On voit qu'ils sont passés à des chiffres d'année à la place de chiffres de version, par le fait même. En plus d'avoir anticipé la victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre sur ces mêmes Seahawks, le jeu est tombé juste sur le score du match de 28-24, une première. L'intelligence artificielle du jeu était à un cheveu du bon résultat en 2009 quand les Steelers de Pittsburgh avaient vaincu les Cardinals 27-23. Alors que Madden NFL 09 avait dit 28-24. Mais ce n'est pas tout. Madden NFL 15 a également eu le nez creux concernant le score à la fin de du troisième quart-temps. Les termes français, j'imagine, offrant 10 points d'avance aux Seahawks à l'issue des 45 premières minutes de jeu. La fiction a rejoint la réalité sous le nom du MVP, le meilleur joueur du match, consacrant l'inévitable quarterback corps arrière des Pats, Tom Brady. Le nombre de touchdowns lancés par ce dernier, 4, est également le bon, et l'intelligence artificielle échoue de peu concernant les statistiques à la passe de Brady, 328 verges gagnées dans la réalité contre 335 dans la simulation. Et celle de... et celle de Julian Edelman à la réception. 9 réceptions pour 109 verges contre 8 et 106 pour le jeu. Je comprends rien de ce que je dis, je fais que lire et transférer des yards en verges parce que les Français savent pas ce que c'est des verges. Pourtant, c'est quoi, ça veut-tu dire que les Français n'ont pas de grosses verges? Je comprends pas. Le match ne s'est pas exactement passé comme EA Sports l'avait prévu. Ainsi, difficile d'imaginer Russell Wilson, le quarterback des Seahawks, envoyer une interception à une vingtaine de secondes du terme de la partie et à quelques centimètres de l'embut, alors même que son running back star, Marshawn Lynch, réalisait une prestation époustouflante depuis le début de la rencontre. Je comprends rien. On passe au suivant, mais quand même, EA et Madden NFL 15 pour 2015, qui a vu juste... Ah, et finalement, si monter des meubles IKEA est une activité que vous chérissez mais que vous ne pratiquez pas à votre goût, réjouissez-vous, il existe désormais un jeu vidéo entièrement dédié à ce loisir. Home Improvisation est un jeu développé à l'aide du moteur Unity qui vous permet d'explorer le monde merveilleux des meubles IKEA en kit, avec une petite subtilité cependant. En effet, les boîtes des meubles à construire ne comportent jamais de notice de montage, pas de guide d'utilisateur, rien du tout. Il faut user d'un certain esprit de déduction pour assembler les différentes pièces et obtenir un résultat cohérent, qui ne s'écoule pas, évidemment. Avec la table Bork, c'est très simple, mais ça se complique pour les meubles livrés avec de toutes petites pièces. Développé en 48 heures à l'occasion du Global Game Jam 2015, qui s'est tenu en début d'année à Atlanta, Home Improvisation peut se jouer à la souris et au clavier, ou encore à la manette. Pour apporter un peu de piquant au défi, des amis peuvent se joindre à la partie, jusqu'à 4 joueurs en même temps, mais il n'est pas dit que l'exercice soit plus simple. Il est possible de jouer par l'intermédiaire d'un navigateur, l'installation du module Unity est alors nécessaire, ou de télécharger sur PC ou Mac via le site officiel qui est theSorkBirdDown.h.io. Allez donc sur assemblagerequis.com à la place, ou cherchez Home Improvisation. Mais bien sûr, assemblagerequis.com est la place pour les gens cool. C'est tout pour CNX. Regardons un petit peu les jeux les plus loués en club vidéo. Position numéro... En club vidéo, c'est bien ça. Moi, j'étais pas sûr d'avoir dit les mots dans l'ordre. En 10e place, c'est Minecraft PS3 Edition sur la PS3. En 9e, Call of Duty Advanced Warfare sur la PS3. En 9e, Minecraft Xbox One Edition. En 7e, Call of Duty Advanced Warfare sur la Xbox 360. Même jeu en 6e place sur la PS4. En 5e, sur la Xbox One. Ensuite, en 4e, Grand Theft Auto 5 sur la PS4. En 3e, le même jeu sur la Xbox One. En 2e, Dying Light sur la Xbox One. Et en première place, c'est encore une fois Dying Light, mais cette fois-ci pour la PlayStation 4. Voilà. Pour votre bloc Geek CLX. C'est-il pas merveilleux tout ça? Tout à l'heure, il nous reste encore C'est un fait Tech Edition, mais avant ça, j'ai envie de retourner en chiptune pour l'entendre. Motion Ride, un des artistes que je préfère. Je le joue très fréquemment, Motion Ride. Aussi qu'il y a une nouvelle pièce de lui qui sort, à dire qu'il faut que je la fasse jouer. Donc, Motion Ride, voici Bourdonnement. Je vais le prononcer en français, Bourdonnement. MPS, le Mathieu Plante Show sur le 89 FM, c'est fou. We'll be right back. d'originalité sur le campus. C'est le 89.1. Sam Silver, Rebuilding the Temple. Mathieu Plante Show, maintenant, c'est un fait Technician. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables et vérifiables. Bien sûr, Tech Edition, c'est dans le domaine de la technologie. Comme toujours, on recule un petit peu dans le temps pour aller voir ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Commençons avec le 21 janvier en 2015. En 2015, ça c'est maintenant, oui, c'est ça. Reculons en 1981. Je fais la même chose à chaque semaine. Donc, en 1981, la première DeLorean DMC-12, la voiture sportive, est sortie des lignes de production à Dunmurry, dans le nord de l'Irlande. Donc, la DeLorean, bien sûr, qui a été connue par la suite pour les films de Retour vers le futur. Le 22 janvier 1984, Apple diffusait sa célèbre publicité 1984 pour l'Apple Macintosh, réalisée par Ridley Scott. Ça fait fureur, cette publicité-là, 1984 de Apple, avec le marteau, le truc qu'on lance dans le grand écran. En 1896, le 23 janvier, Wilhelm Röntgen a parlé au Würzburg Physical Medical Society. Il a fait la démonstration des rayons X en photographiant la main de Dr. Albert von Kolliker, un anatomiste célèbre. Donc c'était l'arrivée des rayons X en 1896. 24 janvier 1935, Kroger's Cream Ale et Kroger's Finest Beer ont commencé à être vendus à Richmond en Virginie dans des canettes développées par l'American Can Company, les canettes qui protégeaient les bières mieux que les bouteilles transparentes. Donc, c'est le début des canettes. 1950, Percy LeBaron Spencer reçoit un brevet pour Method of Treating Foodstuffs. Donc, méthode pour traiter la nourriture, les aliments. Donc, ça a reconnu le micro-ondes pour la première fois. Spencer travaillait sur un radar. Puis, accidentellement, ça a fait fondre une barre de chocolat dans sa poche. C'était en 1950. 1984, le Macintosh d'origine a été présenté pour la première fois. C'est devenu le premier ordinateur personnel avec succès commercial qui mettait en vedette une souris et une interface utilisateur graphique à la place d'avoir une ligne de commande. C'est donc en 1984. 25 janvier 1881, Thomas Edison et Alexander Graham Bell forment l'Oriental Telephone Company avec l'Anglo-Indian Telephone Company Limited, donc un accord entre leur compagnie l'Anglo-Indian leur compagnie qui était l'Oriental Telephone Company et l'autre qui était l'Anglo-Indian Telephone Company, est-ce qu'on se comprend? Donc la compagnie avait le droit de vendre des téléphones en Grèce, en Turquie, en Afrique du Sud, en Inde, au Japon, en Chine et dans plusieurs autres pays asiatiques. En 1915, AT&T inaugure le service de téléphone transcontinental avec un appel entre New York City et San Francisco en Californie. En 1915. En 1921, une pièce nommée Rosum's Universal Robots, RUR, par Carol Capek, débutait au National Theatre de Prague. C'était la première apparition du mot robot. Petit spoiler d'ailleurs, les robots à la fin finissent par tuer tous les humains sauf un dans Rosum's Universal Robots. Et parlant de robots, en 1979, Robert Williams se fait tuer au travail à Flat Rock, dans le Michigan, dans une usine. Et c'est devenu le premier humain à être tué officiellement par un robot. C'est en 1979. Le 26 janvier 1983, Lotus commence à vendre son application de spreadsheet, de feuille de calcul, pour le Microsoft DOS. Ça s'appelait 123, 1-2-3. Ça allait rapidement devenir le logiciel de feuille de calcul le plus populaire au monde, mais ça n'a pas réussi à faire la transition correctement vers Windows. Ça finit par prendre du recul et puis Excel a pris la place, donc Excel de Microsoft. Le 27 janvier 2006, Western Union discontinue le service de Telegram et de messages commerciaux, donc le Telegram and Commercial Messaging Service, la compagnie qui gère toujours les transferts d'argent, mais c'est à peu près tout ce qu'ils font. Le 28 janvier 1878, le premier échange de téléphone commercial aux États-Unis a été installé à New Haven dans Connecticut. Ça servait 21 membres inscrits, connectés par un seul fil de Iron Cifer, il me semble. Donc seulement deux conversations pouvaient être gérées en simultané et 6 connexions devaient être faites pour chaque appel. Hein? C'est en 1878, le début du téléphone commercial. On saute au 30 janvier. En 1975, l'instructeur de design intérieur hongrois Imo Rubik demande un brevet pour son petit jouet qu'on tordait. Le brevet a bien fonctionné pour lui, je dirais. Monsieur Rubik, qui est devenu le premier millionnaire du bloc communiste. from the communist bloc. C'est ce que ça veut dire, ça. En 2007, Microsoft sortait Windows Vista pour les utilisateurs personnels, pour l'utilisation personnelle, donc à la maison, monsieur, même tout le monde. Il n'y avait pas autant de maisons qui allaient finalement l'utiliser comparé à d'autres versions de Windows, mais quand même, c'est sorti en 2007. En 2013, RIM annonçait qu'il changeait de nom pour BlackBerry. RIM, c'est Research in Motion, la compagnie canadienne, donc ils ont changé de nom pour BlackBerry. Ils ont aussi révélé leur BlackBerry OS 10 et leur nouveau modèle Z10 et Q10. Le 31 janvier 2013, la Consumer Electronics Association annonçait qu'ils allaient donner le prix du meilleur du CES, donc Best of CES, comme ils font chaque année, au Dish Hopper. C'est la machine qui permet de regarder des émissions dans plusieurs pièces, faire pause, puis recommencer dans d'autres pièces. Ils ont aussi annoncé à ce moment-là qu'ils allaient trouver ou chercher un nouveau partenaire pour les prix, parce que CBS avait forcé les éditeurs de CNET à ne pas donner le prix à Dish, étant donné qu'il y avait une grosse controverse entre CBS et Dish Network. Donc ils voulaient vraiment pas que le prix soit donné à Dish Network, mais Colin CES a dit « Regarde, vous me direz pas quoi faire », et finalement ça a fonctionné. Bravo à CES. 1er février 1972, Hewlett Packard introduit la première calculatrice qu'on tient dans sa main, la première calculatrice scientifique qu'on tient dans sa main, la HP35 pour $395. C'est la première calculatrice qu'on tenait dans la main qui pouvait performer des opérations fonctions logarithmiques et trigonométriques avec une seule touche. 2 février 1935, le détective Leonard Keeler, co-inventeur du polygraphe Keeler, a essayé son détecteur de mensonges sur deux criminels suspects à Portage dans le Wisconsin. Les deux ont été trouvés coupables. Et en 2014, le 3 février, Facebook lançait Paper sur iOS aux États-Unis. Paper qui donnait une version plus magazine du contenu Facebook, mais on l'a pas encore au Canada, puis ça fait un an de ça. Colin, c'est inacceptable. Maintenant, c'est le moment de la série en concert. On commence avec James Bowe, c'est Simeon Segway, c'est dans la série DKC Mixtape 94 par Big Mad Attacks. Et on explique ça au retour au Mathieu Plante Show. C'était Missing Number et Forest Interlude, précédé de Jeroke avec Jungle Bells. Au début, c'était James Moats et Simeon Segway, les pièces 22, 23 et 24 de cette série DKC Mixed Ape 94. Big Mad Attacks Presents, qu'on retrouve sur bigmadattackspresents.bandcamp.com. Un album qui évidemment rend hommage à toute la série de jeux de Donkey Kong Country sur Super Nintendo. C'est le 20e anniversaire de la série, donc c'est pour ça qu'on en fait jouer autant cette année. C'est 35 pièces. Avec tout plein de gens qui travaillent là-dessus, qui ont collaboré à cette compilation DKC Mixed Ape 94. Et c'est là-dessus que se termine une autre édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute tout au long de ce périple tellement difficile. On se retrouve en direct la semaine prochaine, les mercredis de 13h à 15h. On rappelle les jeudis entre 17h et 19h. Je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Jockey du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès C'est Fou les mercredis de 15h à 18h. C'est ce qui joue juste après nous pour ceux qui écoutent en direct. Consultez la programmation complète sur cifou.ca. Retrouvez les notes de l'émission sur assemblagejockey.com. Je vous invite aussi à aimer la page Facebook sur facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye.